La sirène. Nos ancêtres racontent qu'il y a longtemps, une jeune fille très jolie vivait dans les collines. Elle préparait toujours de la nourriture trop salée. Mais personne ne savait pourquoi. Son père travaillait dans les champs de maïs et la laissait toute seule à la maison pour faire la cuisine. Un jour, la jeune fille dit à son père d'aller dans les champs et il lui répondit qu'il s'en allait justement. Une fois qu'il vit que son père était parti, elle commença à se baigner. Quand elle frotta ses aisselles, des poisons salés tombèrent et quand elle eut fini de se laver, elle prépara les haricots avec le sel qu'elle avait rincé de sur elle. Quand son père entra, il lui dit de servir le dîner. Quand il le goûta, il demanda pourquoi c'était aussi salé et pourquoi elle cuisinait toujours ainsi. Elle ne répondit rien. Quelques jours plus tard, le père joua un tour à sa fille. Il lui dit qu'il partait au champ, mais il se cacha. La fille, pensant que son père était parti, commença à se baigner, frottant ses aisselles, et des poisons salés tombèrent de nouveau. Quand son père le vit, il la gronda lui disant que c'était la raison pour laquelle elle cuisinait trop salé. Juste au moment où son père allait la frapper, elle s'arrêta dans le cadre de la porte. Tout à coup, le tonnerre gronda et la fille n'était plus là. Elle disparut, se transformant en sirène qui existe encore de nos jours dans un lieu nommé Tuxpan.